Et après, bon, ben on en parle ensemble et on se dit, tiens, ça serait peut-être bien parce que là, ce sont trois individus très différents. C'est vrai que Sébastien, Jean et Fabienne, c'était trois personnalités différentes, c'est-à-dire chacune avec un regard, des objectifs, une manière d'appréhender cette forme cinématographique qui leur était très personnelle. Et on s'est dit, tiens, voyons comment ça peut. Non, moi, ce que je dirais, c'est que justement, le discours de Sébastien, ça n'a pas toujours été présent dans les comités de sélection. Forcément, chaque comité de sélection est différent. Et c'est justement ça qu'on trouve intéressant. Je ne dirais pas que notre objectif, c'est de trouver un fil conducteur, hein, au niveau de la sélection. Au contraire, c'est de varier, vraiment de varier les points de vue. Certes, ça reste le festival national et du côté du public, je suppose qu'on s'attend à, de toute façon, voir le meilleur de l'animation française. Mais indépendamment de ça, voilà, je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir des goûts vraiment différents et ça crée des discussions aussi très intéressantes. Je pense que si c'était toujours l'équipe du festival qui choisissait les films, comme je pense que sur 15 festivals en France, il y en a à peu près 13 qui fonctionnent comme ça, où c'est le directeur du festival qui choisit. Or, à ma connaissance, hors Annecy et Auch, donc ils font appel à des comités de sélection. Et les discussions au sein des comités de sélection sont très intéressantes et les discussions que la sélection engendre par la suite dans le cadre du festival sont toujours. Forcément, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des réactions, mais voilà, personne n'est indifférent à une sélection, et ça, moi, je trouve très intéressant. Et c'est vrai que le choix des membres du comité n'a jamais été facile, d'autant plus que jusqu'à le dernier festival, on avait un seul comité de sélection, et c'était très difficile de trouver des gens. On voulait quand même faire appel à des gens qui sont le plus de la partie possible, mais si c'était un producteur, alors non, lui, s'il présente un film, ça sera délicat. Si c'est un enseignant, oui, mais les étudiants qui vont présenter un film, ça a toujours été très compliqué d'essayer de trouver quelqu'un qui, justement, n'a rien produit les 2 dernières années. C'était un peu difficile. Et là, on s'est un peu allégé le travail, surtout parce qu'il y a eu une telle croissance du nombre de films inscrits que, de toute façon, on ne pouvait plus tout faire en une semaine et on ne pouvait pas demander à un comité de sélection de se rendre disponible pendant 2 semaines. Donc, on a séparé ça en deux. Il y avait un comité de sélection responsable des films d'étudiants et l'autre, dont faisait partie Sébastien, des courts-métrages et des films de télévision. Et c'est tombé comme ça cette année, quasiment 50-50, quoi. C'était vraiment divisé en deux. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir sur la partie courts-métrages et films de télévision, d'avoir des enseignants, par exemple, sur les films d'école, d'avoir des producteurs. Enfin, ça permet plus de souplesse. On va peut-être faire une deuxième pause musicale. Mikal nous a apporté la musique? Non, non, elle n'en a pas apporté. Eh bien, c'était prévu, mais c'est pas grave. On va revenir à Lenline, non? Ouais. C'était très bien, hein, Sébastien. Bon, on voit un deuxième cinéaste autrement qui sera aussi présent à Auch et qui participera aussi, enfin qui présente des œuvres lors d'une exposition qui se tient aussi pendant le festival. Ce cinéaste s'appelle Jeff Scher et c'est une musique d'un film qui s'appelle Milk of Amnesia, qu'il a réalisé au début des années 80. Très bien. Après ça, on rentre dans le vif du contenu du festival. Thank you. mask is only half disguising. I have no trouble recognizing your features, which I'm idolizing. Oh, hear my pleading, do not fight me, and be relenting, come delight me. You are tormenting my heart always. Oh, throw your mask away. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et c'est Bulle de Rêve, émission consacrée au cinéma d'animation. C'était une musique tirée d'un film de Jeffrey Cher. Oui. Et c'était un tango argentin. Je vais passer la parole à Alexis pour sa chronique qui va nous parler de DVD. Rebonjour, tout à fait. Rappelez-vous ma première chronique pour tous mes nombreux fans, ici à ce micro, je me doute. C'était la dernière, mais c'était l'avant-dernière. Mais c'est bien de mon souvenir, merci. Non, c'était sur le peer-to-peer, soit le téléchargement illégal sur Internet, qui me paraissait à l'époque malheureusement l'une des manières les plus faciles de voir de l'animation. Une situation qui vient bien sûr de la difficulté de voir et revoir des films d'animation, ceci étant finalement peu distribué, à part bien sûr en festival comme le Festival de Auch, mais c'est quand même assez loin pour, par exemple, les Parisiens, 6 heures. En effet, si vous ouvrez votre programme cinéma, je l'ai fait ce matin, vous aurez finalement plus de facilité à voir en salle un film d'Hitchcock qu'un programme de Starevitch ou une rétrospective Truffaut qu'une rétrospective Trenka. Si ce n'est bien sûr le travail du Forum des Images ou de l'AFCA avec l'Animathèque, on n'aurait finalement pas souvent l'occasion de voir des courts-métrages en salle. Heureusement, des éditeurs vidéo viennent combler ce vide et je vais donc faire un rapide coup de projecteur sur 4 d'entre eux. Tout d'abord Opening, un éditeur qui en matière de prise de vue réelle nous habitue au pire comme au meilleur, mais souvent le pire. En matière d'animation, par contre, il nous offre de très belles éditions. Et donc après le DVD des Maîtres du Temps de René Laloux, sort enfin aujourd'hui une édition d'un des plus beaux films français de la fin du siècle dernier, Gwen de Jean-François Laguioni. Ou le livre de sable, tout à fait. L'édition est absolument superbe. Il y a un long entretien passionnant de 40 minutes avec Jean-François Laguioni qui permet de mieux comprendre la production de ce film atypique dans le cinéma d'animation français et malheureusement de son échec lors de sa sortie. Mais l'éditeur ne s'arrête pas là puisque Gwen est vendu avec un second disque où sont réunis 8 courts du réalisateur, soit quasiment toute sa film au cours. Il manque juste, a priori, vous allez me dire, mais Hélène ou Le Malentendu réalisé en 72 qui est un film de prise de vie réelle. Voilà, tout à fait. Vous trouverez dans des copies alors magnifiques qui nous changent de la copie qui était parue sur une cassette d'Annecy, une copie désastreuse, je crois, de La Traversée. Donc là, vous allez trouver La Demoiselle et le Violoncelliste et La Traversée de l'Atlantique à la rame, les plus fameux sûrement, mais aussi des œuvres difficiles à voir, comme Une bombe par hasard, La musique du diable, ou alors moi, je ne l'avais jamais vu, le superbe L'Acteur, qui est absolument magnifique, j'avoue, je n'avais jamais vu, la copie est absolument incroyable. Chacun de ces petits cours, en plus, ayant droit à une petite présentation de Laguioni lui-même, qui, quand on l'a rencontré, est toujours quelqu'un de passionnant quand il parle de ses propres films. Il a passé 2 heures ici à parler de son travail. Voilà, et qui sera à Auch. Oui, et qui sera. Ah, voilà, pour parler, tout à fait. Et on a même son premier essai en prise de vue réelle, Plage privée, qui est une petite curiosité. Donc une magnifique édition pour ce film, dont la place dans le film d'animation, à mon avis, doit être reconsidérée. Et j'ai une question pour vous. Le film a été fait uniquement en France, on est d'accord? De Gwen. Parce qu'on parle... J'ai eu la chance de vivre ça de très près, puisque bon, c'est une aventure qui s'est déroulée à Saint-Laurent-le-Minier au film de La Demoiselle et qui avait, enfin Jeff qui était auparavant seul là-bas, avait réuni un certain nombre d'auteurs Bernard Palacio, Nicole Dufour, Émile Bourget, d'autres encore, pour Henriette Seek, évidemment. Et ces personnes, chacune est intervenue dans un des domaines du film. Par exemple, Bernard Palacio, c'est lui qui a peint tous les décors. Et je me souviendrai toujours, c'était au début des années, j'ai dû y aller en 82-83, et j'étais honnêtement sur le cul. Je trouvais que plastiquement, c'était une chose exceptionnelle. Et quand le film est sorti, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un engouement du grand public, mais à la limite, qu'importe, parce que ceux qui aimaient l'animation ont aimé ce film, même s'il faut le reconnaître, il avait, comment dire, c'était un film un petit peu, enfin, qui nous intriguait, parce que le propos n'était pas forcément conforme à ce que l'on a l'habitude de voir en animation, c'était un peu énigmatique, un peu à l'image de Jeff d'ailleurs. Le film est d'une beauté exceptionnelle et je me réjouis qu'il ait pu sortir. Il me semble que Jeff a fait un montage, un remontage de son film pour la circonstance. Oui, oui, il a retravaillé voilà, le film, qui, tout à fait, pour la dit, sortie. Oui. Voilà. Parce que la copie est magnifique et c'est vrai. Et c'est beau. Non, c'était juste cette voilà. petite question par rapport au fait que donc, la prophétie des grenouilles l'année dernière disait que c'était depuis Le Roi et l'Oiseau, c'était le premier film d'animation fait en France, mais il y avait Gwen, Robinson et compagnie avait été... Non, Robinson, avait quand même on a fait les décors en France et une partie de l'animation, mais la grande majorité du film a été réalisée au studio de Shanghai. Et donc Gwen, eh bien, le chaînon manquant entre Le Roi et l'Oiseau et La prophétie des grenouilles. Ensuite, ED Distribution. ED sort de nouveau DVD consacré à l'auteur américain chouchou du public des festivals d'animation. Oui, oui, je sais, vous le savez tous, Bill Plimpton. Ajouté aux trois précédentes sorties DVD de cet auteur, vous pouvez donc maintenant revoir et revoir chez vous l'intégralité de l'œuvre de Plimpton un mois avant la sortie de son dernier long. Il vaut mieux. Le travail fait sur les DVD de Plimpton par ED est assez extraordinaire. Très belle image, commentaires audio du réalisateur, storyboard, illustration, tout est fait pour mieux comprendre et appréhender l'univers de cet auteur. Maintenant, si vous n'êtes pas fan, ou si vous connaissez mal Plimpton, tout n'est pas indispensable, loin de là. Allez, seul DVD, deux DVD le sont, je sais, je ne vais pas me faire que des amis, mais bon. Mondo Plimpton, qui réunit les meilleurs courts-métrages de l'auteur, format dans lequel, à mon avis, il est plus particulièrement à l'aise que dans les longs-métrages, sauf un, The Tune, qui est son premier long, et qui, à mon avis, démontre, avec Bill Plimpton, un peu plus de retenue et un graphisme plus proche de ses courts, qu'il peut faire de très, très, très bons longs-métrages, pourvu qu'il revienne à cette qualité-là. Toujours chez cet éditeur, une VHS essentielle. Bon, allez, une VHS à tout amateur d'animation, puisque ça regroupe 8 courts métrages des incroyables frères Coué dans les sublimes La Rue des Crocodiles et Le Peigne. À mon avis, ça ne sortira pas en DVD avant longtemps, donc précipitez-vous sur la VHS. De son côté, Dorian Film continue de distribuer les DVD édités notamment par Folioscope, avec récemment Anima Best of 01, dans lequel vous retrouvez 9 courts métrages récents, dont mes 3 favoris, elle est Looking for Horses, Atamayama, qui lui avait mérité son grand prix à Annecy l'année où il y était. Folioscope, pour préciser, c'est l'organisateur du festival Anima en Belgique. Merci Olivier. Et Mr. G. Russell, court-métrage belge dans lequel un homme adopte les attitudes d'un chien, mais il est évidemment rejeté par les hommes, mais aussi par les chiens. Très drôle, étudiant qui était passé à Annecy. Mais les pièces maîtresses de Dorian, qui édite aussi Monkey Lemmy ou L'œil du loup et Le cyclope de la mer, restent les deux DVD consacrés à l'un des génies de l'animation, Ladislas Starevitch. Le premier est dédié au long-métrage Le roman de renard, avec en supplément un court-métrage de 36, Fétiche en voyage de noces, et des dessins du film, et le second, Le monde magique de Ladislas Starevitch, qui regroupe 4 courts-métrages, de 1926 à 49, pour Fleur de Fougère un petit peu plus long, 2 DVD à voir absolument. Dernier éditeur, un plus gros cette fois-ci, Wildside Video, à son actif des parutions aussi différentes que le très beau film de Francis Nielsen, Le chien général et les oiseaux, injustement non sélectionné à Annecy, L'indigeste gâteau magique, dessin animé australien, facile, oui. Et 4 films du patrimoine de l'animation japonaise, dont 2 films clés de l'histoire riche de cette animation. Horus, premier film de Takahata, et Le Serpent Blanc, premier film en couleur. Mais si je parle de Wildside aujourd'hui, c'est parce qu'il sort une série que j'ai loupée lors de sa diffusion sur France 3, Petit Vampire. L'éditeur va nous proposer à partir du 6 avril 12 épisodes séparés sur 2 DVD. J'avoue qu'étant fan de la BD, et malgré l'implication de son auteur Johan Svab dans la conception de cette série, j'avoue que j'étais très inquiet. Ben j'ai eu tort. La série garde cette incroyable tendresse et originalité de la BD. On est captivé par l'histoire donc, de Michel, ce petit garçon orphelin, qui devient ami d'un petit vampire, et de ses amis morts-vivants, loups-garous et autres monstres. La série est aussi exigeante dans les thèmes abordés, la différence, la mort, que dans son atmosphère, toujours de nuit, et bien sûr dans son animation. Seuls les personnages bougent et gardent cette espèce de mystère qu'on a dans de la BD. Absolument à avoir. Et pour finir, oui je sais, c'est le 5e éditeur, pour finir, l'événement de la sortie DVD nous vient d'un distributeur cinéma qui se lance dans l'édition vidéo, se lançant ainsi sur les traces des éditions Revoir, à qui on doit notamment 3 cassettes vidéo de Len Lai et d'Oscar Fischinger. C'est Cinédoc qui édite un DVD sur Alexandre Alexeïev, sûrement l'un des grands génies lui aussi. Ce DVD d'une durée totale de 137 minutes, vous y trouverez 30 films, dont 27 réalisés par Alexeïev et Claire Parker, soit la quasi-intégralité des œuvres de cinéma, les 5 films réalisés sur le mythique écran d'épingle, dont bien sûr Nuit sur le Mont Chauve, Le Nez, tableau d'une exposition, 3 thèmes. Vous verrez aussi 20 films publicitaires qui ne sont pas faits en écran d'épingle. Moi, en tout, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je vois l'écran d'épingle, au bout d'un moment, même je lâche l'histoire tellement je trouve ça impressionnant. J'ai vu beaucoup de films d'animation maintenant, je peux le dire, et ça reste un plaisir monumental. Et juste, vous trouverez aussi le court-métrage, magnifique film de Jacques Drouin, qui avait été fait en 1976, Le Paysagiste, que vous trouverez aussi sur ce petit... Petite question. En écran d'épingle aussi. Oui, en écran d'épingle aussi. La question que je te pose, est-ce qu'il y a le prologue que Claire Parker et Alexeïev avaient réalisé pour le film d'Orson Welles, Le Procès? Bonne question. Non, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas eu les droits. D'accord. Donc, il manque juste ça. Je vous donne l'adresse parce qu'il est difficile à trouver. C'est Cinédoc, 18 rue Montmartre, à Paris. Et là, je vais tout doucement, je vais vous donner le numéro de téléphone 01 42 33 10 64. Alors, ou à la boutique de l'AFCA, comme d'habitude. Alors, pourquoi ce coup de chapeau pour ces éditeurs, me direz-vous? Pourquoi aujourd'hui? Simplement parce que le monde de la distribution DVD est un univers difficile, qui coûte très cher et où le nombre de produits qui sortent par semaine est en constante inflation et où trouver sa place est vraiment difficile. Donc, pour être un petit éditeur aujourd'hui, il faut avoir un certain courage et une certaine inconscience. Donc, bravo à eux. Je tiens à préciser que les publicités d'Alexeïev, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a des choses extraordinaires. Tout à fait. Merci Alexis. On va rentrer dans le vif du sujet du festival. Alors, les grandes lignes du festival, Mickaël. Est-ce que je peux commencer juste pour faire la transition? Le festival, lui aussi, va avoir une boutique où quasiment tous ces DVD seront présents. Donc voilà, pour tous ceux qui viendront à Auch, n'auront aucune difficulté à les trouver, les DVD. Voilà. Et les VHS aussi. Donc, je vais répondre à ma question. Elle n'a pas écouté ma question. Les grandes lignes du festival cette année, donc de cette édition, cette 15e édition. La grande ligne, comme la nature du festival, donc c'est la production française. Il y a des programmes en compétition et d'autres en panorama, donc hors compétition. Si je me souviens bien, il y a 5 séances de films en compétition et 9 en panorama. Ça donne un peu les proportions. Ça fait 140 films en tout. Ensuite, ont été aussi sélectionnés pour la première fois cette année. Jusqu'à présent, c'était non sélectif aussi. On présente des programmes de films d'atelier, donc réalisés par des enfants, dans le cadre en général adultes, scolaire, parfois. Aussi adultes. Voilà. Le plus souvent, c'est des enfants dans le milieu scolaire, mais il y a aussi d'autres cadres où, effectivement, adultes, dans des situations diverses et variées, mais c'est toujours initiation à l'animation. Voilà. Ensuite, donc, dans la partie hommage et programmation, programmes spéciaux, disons, on a effectivement une programmation spécifique sur l'animation expérimentale, donc avec Sébastien qui nous a fait la programmation. Il y aura aussi une exposition avec, si je ne me trompe pas, tous les artistes dont on verra les films. On verra aussi... c'est peut-être plutôt de l'autre sens. Tous ceux qui exposent, on verra leurs films dans les programmes. Voilà. On reviendra là-dessus. Mais il y a aussi un hommage dans ce cadre-là à Norman McLaren, justement, qui était donc un pionnier de l'animation tout court et expérimentale, notamment. Et donc voilà, il y aura deux programmes de ces films. Et ensuite, une autre tradition, je dirais, du festival, c'est de consacrer un programme à chaque membre du jury. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de faire un peu connaître au public les personnes qui sont au jury. En général, c'est vrai que si on n'est pas du milieu de l'animation, c'est des noms qui nous disent strictement rien. Et là, c'est l'occasion de les connaître, de savoir ce qu'ils font, d'où ils viennent, les entendre parler. Donc chacun a une séance. Donc les 5 membres du jury. Qui lui consacrent, voilà, donc chaque personne. Les 5 membres. Je veux les entendre. Alors, il y a Jean-Pierre Pagliano, qui est historien du cinéma en général, spécialiste de l'animation aussi. Il a écrit pas mal de choses sur Paul Grimaud, notamment. Voilà. Donc, on verra une carte blanche. Voilà, donc là, ce sera une carte blanche. On a un réalisateur allemand qui s'appelle Raymond Krumme, qui fait des films vraiment très, très personnels. Moi, personnellement, j'adore. Et qui enseigne notamment à CalArts en Californie, à Los Angeles. C'est une école qui a un département d'animation expérimentale. Et que je sache, c'est la seule qui existe. Donc, on verra la rétrospective de ces films. Et normalement, il nous amène aussi quelques films d'étudiants, justement de ces étudiants qu'il va nous présenter. Il y aura Pierre Jouvenceau qui a fait la transition, je dirais, entre Raymond Maillet et moi-même au poste de délégué général de l'AFCA, et qui donc s'est occupé longtemps quand même de l'AFCA, a fait beaucoup de choses, et a écrit une thèse qui est devenue, a été éditée récemment en livre sur le film de Silhouette. Donc on verra le film Les aventures du prince Ahmed de Lotte Redinger, donc c'est un film allemand. De 1926, si je ne me trompe pas. 1926, voilà. Premier long métrage européen d'animation. Voilà, premier long métrage d'animation. Et... Voilà. Une très belle édition DVD en Angleterre, aux États-Unis, malheureusement pas en France. Ouais. On aura Frédérique Deveau qui est réalisatrice de films expérimentaux. On verra deux de ses films, il me semble, dans les programmes. Elle fera également des démonstrations techniques. Il y en aura trois dans le cadre du festival où elle montrera comment on intervient directement sur la pellicule. Voilà, grattage, peinture, enfin, différentes choses qu'elle va faire. Et puis le cinquième, parce qu'ils ont cinq. Ça y est, juste... Voilà, merci. toujours un cinquième, c'est jamais le même en plus qui me manque. Jean-Jacques Bernard, donc, qui est journaliste et qui a réalisé plusieurs documentaires sur des cinéastes d'animation et notamment sur Jean-François Laguioni. Ce documentaire-là, on va le présenter. Et donc ça me fait la transition avec Jean-François Laguioni, qui sera présent. On présentera donc son long métrage L'île de Blackmore. Et la séance sera suivie tout de suite d'une rencontre donc en sa présence et celle de Christophe Héral, qui est compositeur, qui a donc signé la musique de L'île de Blackmore. Et ça sera une séance où ils vont parler vraiment de la collaboration qui a été la leur autour de la création musicale de ce film. Des films de la fabrique, produits par la fabrique. Voilà. Oui, j'ajouterais que, est-ce que je peux ? Bien sûr. Que ceux qui ont vu le film et surtout entendu la partition, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que c'est un film de pirates. On s'attend à de la musique tonitruante, enfin, on s'attend en tant que spectacle à la Hollywood, que les Français de toute façon ne feraient pas de cette façon. Mais c'est alors un tout petit orchestre qui joue délicatement dans le style impressionniste, exactement comme dans les nuances du traître fin du bateau, si poétique quand il se dégage à l'horizon, ça colle de façon extraordinaire. Ouais. Et quand je pense que en Bretagne nous étions à un petit festival et où Laguioni a présenté l'équivalent de son Kodak film, c'est-à-dire il avait mis les principaux dessins ensemble pour que ça fasse à peu près la longueur d'une séquence et nous montre comment se développe le film, il avait mis la musique dessus qui ne collait pas du tout parce qu'il a pris des disques de musique classique. Et je lui ai posé la question, mais avez-vous pensé à la musique ? Parce que j'étais inquiet. Là, j'ai vu que ce genre de dessin, plus la musique, ça ne collait pas. Il a dit non, justement, vous venez de toucher le point faible. Je ne sais pas qui va faire la musique. Et quand je vois le résultat, j'ai jamais vu une symbiose aussi totale, aussi fine, aussi délicate. Depuis ses premiers courts-métrages, jusque, je ne sais plus si le Château du Singe, c'était le cas, mais en tout cas jusqu'à Gwen, avait toujours travaillé avec le même compositeur, qui était un ami de très longue date, qui a disparu il y a de ça 3-4 ans, et Jeff s'est retrouvé orphelin, justement, et quand on travaille avec la complicité de quelqu'un, une complicité sur 20 ou 25 ans, tout d'un coup, ça devait être un gros problème. Et puis Jeff a toujours eu du goût pour des sonorités bien particulières. Je veux dire, je sais qu'il aime cette musique française de la fin du 19e, des choses mélodiques très particulières, avec des bassons, des... Vous voyez, avec très peu d'instruments. Oui, certainement c'est un pas subtil mélange. Voilà. Et je trouve que Christophe Héral lui a composé une très très belle musique qui colle parfaitement, enfin, de mon point de vue, avec son univers, sans être pour autant illustratif, redondant, ou quoi que ce soit. Oui, moi j'y étais très sensible, et puis ça c'est une excellente nouvelle pour les musiciens, cette partie si importante de la musique des films. Lionel Charpy doit nous quitter malheureusement, donc on lui dit au revoir et merci de nous avoir. Il s'en repart. Tu as les mains libres maintenant. Merci à vous tous et bonne fin d'émission. Merci. Donc je reprends peut-être juste au sujet des programmes spéciaux. Nous allons rendre aussi hommage à deux grands noms de l'animation française qui nous ont quittés en 2004. Il s'agit de René Laloux, donc, qui a signé plusieurs longs métrages, dont La planète sauvage, que beaucoup de monde connaît, mais d'autres aussi, dont Les maîtres du temps, qui sera un film qu'on présentera. D'ailleurs, là, juste en préambule de cette séance, on va présenter un petit film qui a été tourné dans le cadre d'un festival où était présent René Laloux, où il répondait à des questions d'enfants. Et donc, voilà, il sera un peu présent dans la salle de cette façon-là. Et puis, il y a également Jacques Rouxel, qui est le papa des Shadok, mais qui, on le sait moins, a réalisé énormément de films de commande d'entreprises publicitaires. Et donc, on présentera à la fois un programme de ces films-là et puis aussi un documentaire sur lui. Et sur plus, je dirais, sur les réactions qu'ont suscité les Shadok. Oui, Alexis. Non, je te laissais finir. C'est juste pour dire que si vous êtes à Auch, absolument à ce moment-là, allez-y, allez voir ces films. J'ai la chance, donc j'étais à l'Animathèque de mercredi, et j'ai la chance de voir. Et ces films, ils notamment, sont certains sont très étonnants hein, sur la science. En plus, ça décortique très, très bien. C'est fascinant aussi bien au niveau de l'animation. J'avoue que même dans tout ce qu'on apprend dedans, c'est très, très ludique et très pédagogique. Et en même temps, c'est l'esprit Rouxel, l'esprit Shadok, c'est donc, très faut rigolo. Vraiment pas la louper. Et c'est vrai que ce sont des films qu'on a quasiment jamais l'occasion de voir, parce que des films d'entreprise, ils sortent rarement de l'entreprise. Donc... Et d'ailleurs, je pense qu'on vous le dira, Bulle de rêve, parce qu'il y a une souscription qui a été lancée ce mardi, là, à l'Animathèque, j'ai pas mercredi, pour le DVD. Et les 3A vont lancer donc deux DVD, un sur un espèce de best-of des 3A, avec aussi bien les films de Michel Oslo, de Piotr Kramer, enfin des choses très intéressantes, et trois DVD sur tous les films institutionnels, publicités, etc., qui a fait Jacques Rouxel, qui devrait sortir en septembre de cette année. Alors, je voudrais poser deux questions amicales. J'ai appris, si j'ai bien lu, que le festival n'inclut pas les films commandités. Alors, pour moi, il ne s'agit pas simplement de la publicité, qui est très brève et où il y a assez chef-d'œuvre. Je comprends qu'on ne les présente peut-être pas, je comprends. Enfin, mais est-ce qu'il y a. Quelle est la production de films de courts-métrages, tels que Martin Bochet en faisait et tant d'autres, qui sont commandités par des industries ou des choses? Est-ce que vraiment c'est tellement mauvais? Ou est-ce que vous avez refusé de les... Je rectifie une chose. Ils sont présentés, mais hors compétition. Ils ne sont pas sélectionnés à la compétition. Oui, il y en a. Oui, oui. Il y en a toujours, mais ça a toujours été le cas, très peu qui s'inscrivent. Parce que c'est vrai que c'est plus les producteurs de courts-métrages qui sont intéressés par les diffusions dans les festivals, qui se mobilisent pour inscrire les films que ceux des films de commande. Les films de commande, on est toujours, il faut toujours aller un peu à la pêche pour en avoir. Ce qui a été en fait effectivement une innovation de cette édition du festival, c'est qu'ils ne sont pas soumis à la compétition. Oui. Parce que, principalement, c'est vrai que ce sont des films qui sont réalisés avec des moyens d'office, alors que les autres films, il y a des moyens divers et variés, mais en général, c'est pas proportionné. C'est pas tellement une question d'artistique. Et d'ailleurs, ben justement, ceux qui sont présentés ont été sélectionnés effectivement pour leur qualité artistique, mais il y en a quand même très peu qui se produisent avec cette qualité-là. Nous verrons sur place. La deuxième question est, je vois qu'il y a en préparation, en tournage et même en post-production des tas de longs métrages en France. Il y a la Reine Soleil, comme tu sais, il y a Kirikou et les Bêtes Sauvages, il y a Piccolo Saxo, c'est aussi, c'est 1000 images, il y a Renaissance, il y a Futuricon avec le vilain petit canard qui est impliqué, c'est un peu international, et en post-production, je vois de Emmanuel Klotz, Quack, le vilain petit canard. Je suppose qu'il y a toutes sortes de productions plus ou moins artistiques là-dedans. Est-ce que le festival montre dans sa vitrine un petit peu cet aspect qui se développe en France en ce moment? Non, et ça c'est plus un problème, je dirais, de place, parce que c'est vrai que c'est un festival qui dure 5 jours. Jusqu'à, je dirais, la dernière édition, la question ne s'est même pas posée au niveau de la sélection des longs métrages, qu'il y en avait très peu. Il y a certaines éditions du festival dans le passé où il n'y avait aucun ou éventuellement un film de produit, donc on ne pouvait pas le mettre en concurrence. Et en général, il était présenté. Là, c'est vrai que cette année, enfin dans les deux dernières années, il y a eu pas mal de films qui sont sortis. C'est un peu un choix de se dire, bon, ces films-là, ils ont une diffusion. On préfère laisser la place à d'autres films qui ont beaucoup plus de mal à être diffusés, à aller à la rencontre des publics. Donc voilà, ça a toujours été le cas. Les longs métrages sont des films invités où on invite le réalisateur, enfin un petit événement tour comme cette année avec l'île de Blackmore. Si on pouvait le faire sur tous les films, on l'aurait fait, mais il faut faire des choix. Concrètement, ce n'est pas un festival qui veut passer des choses courantes et banales, mais qui veut essayer d'aller de l'avant et montrer des nouveautés montrer comment l'art progresse et comment c'est ça, oui. L'innovation. Oui. Et là, on peut se permettre ce luxe, c'est très satisfaisant. Je voudrais en venir un peu à la partie expérimentale, donc puisque c'est la thématique du festival cette année. Alors, je vais peut-être commencer par poser une question à Sébastien. C'est quoi le cinéma expérimental, Sébastien Montreux? Bon, on va rester un suicide en direct. La difficulté de pouvoir définir le cinéma expérimental est grande et historique. Le souci, en fait, par rapport à tout ça, c'est qu'il peut y avoir plusieurs aspects dans le cinéma expérimental qui le distinguent du cinéma plus commercial. Après, ce qu'il faut exprimer, définir, essayer d'identifier ce cinéma, à contrario d'une autre forme cinématographique, j'en suis pas persuadé. Pour moi, en tout cas, enfin après on peut trouver 15 000 définitions de cinéma expérimental, pour moi j'ai l'impression que le cinéma expérimental serait...